Je pose souvent mes mots pour faire plus beau. J'expose mes larmes comme mes seules armes. Je me dis c'est pratique face aux problématiques. Mais je sais ça sonne faux. Ce ne sont que des mots. Je ne suis qu'un chanteur à 3 sous, peut-être juste dessous, voire même en dessous. Et ça rapporte pas un clou. Écoute-moi quand même, si ça pose pas de problème, rien qu'un instant, pas trop longtemps, juste pour voir si des fois vous prendrez goût à moi. Allez, reste pour moi, même si ça te plaît pas, parce que tu le sais, ça oui, tu le sais. Je ne suis qu'un chanteur à 3 sous, peut-être juste dessous, voire même en dessous. Et ça rapporte pas un clou. Et ma copine me dit: j'ai du mal avec ton truc, tu chantes pas bien chérie. T'es sûr que c'est de la musique? Et moi j'aurais voulu faire du rock'n'roll, même un truc déjà vu. Mais je bois pas d'alcool, joue pas de la guitare, je pas du piano bas. Je ne suis pas un leader, je ne suis pas suicidaire. Je ne suis qu'un chanteur à 3 sous, peut-être juste dessous, voire même en dessous. Et ça rapporte rien du tout. Je ne suis qu'un chanteur pour pas tout. Il bouge tout genou, c'est bien vu d'en dessous. Et je boufferai des cailloux.